Benza. Fan club. Mystique, Moi je suis formateur d'idoles quoi. Ah ouais, j'ai formé pas mal d'idoles quoi. Papa Wemba n'est pas seulement une star adulée, c'est également un découvreur de talents, un formateur d'idoles. Koffi Olomide, Emenea, Debaba, Rigo Star, Esperon, Bipoli, Dindo Yogo, la liste est bien longue. Je vous présente Luciana qui se fait coiffer par Mams. Mais ça c'est Nidjo Kwepa, patati, patata, ceci, c'est là, c'est celui qui en était l'auteur compositeur. Séance de répétition avec tous les musiciens de l'orchestre Viva la Musica. Maître de cérémonie, Papa Wemba. Avant d'être une bête de scène, Papa Wemba est une vraie bête de travail. Il n'hésite pas à infliger de longues heures de studio continues à tous ses musiciens, à la recherche d'une innovation, d'un nouveau son, celui de la rumba de l'an 2000. Le pionnier de la nouvelle génération est serein. Pour l'avenir, plein de projets dans la tête et beaucoup de musique dans le cœur. Là, je suis en train de produire pas mal d'artistes. Mais je participe moi-même aussi en tant que chanteur, quoi. Mais je crois dans les années à venir, c'est des idées qui me viennent comme ça. Peut-être je vais m'occuper beaucoup plus à la production. Et je vais m'arrêter là, quoi. Bon, peut-être, pourquoi pas monter un studio ultra moderne au pays. Seul Dieu, c'est tout ça, quoi.